الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، chers auditeurs, nous continuons ce soir la lecture et l'étude de hadith sur la croyance et le suivi. Nous en sommes aujourd'hui au deuxième hadith, qui est un hadith nous démontrant le mérite de la croyance authentique, et plus particulièrement la croyance du tawhid et du culte exclusif voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné cinq choses qui, si elles sont attestées par la personne, Allah subhanahu wa ta'ala le fera entrer au paradis. Il a donc dit « An Ubadat ibn Samit radiyallahu anhu » D'après Ubada ibn Samit, qu'Allah l'agré. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: من شهد, celui qui atteste, أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, que nul dieu n'est en droit d'être adoré, sauf Allah, seul, sans associé. وأن محمدا عبده ورسوله, et que Muhammad est son serviteur et son messager. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, et que Isa est le serviteur d'Allah et son messager. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, et que c'est sa parole qu'il a envoyée à Maryam. Wa ruhum min, et une âme venant de lui. Wa anna al-jannata haqq wa an-nar haqq, et que le paradis est vérité et que l'enfer est vérité. Adkhalahu Allahu al-jannah ala ma kana min al-amal. Allah le fera alors entrer au paradis, quelles que soient ses œuvres. Et ce hadith est rapporté dans les deux recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim, ainsi que dans le Musnad de l'imam Ahmad, rahimahumullahu ta'ala. Donc le rapporteur de ce hadith, on a dit que c'est Ubada ibn Samit. C'est un compagnon qui fait partie des Ansar, et il était présent lors des deux serments d'allégeance à l'Aqaba avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et après cela, il était présent avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à l'ensemble des batailles. Et il était enseignant du Coran à Médine, puis au Cham, et il est décédé à Jérusalem en l'an 32 de l'Hégire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui. Il nous rapporte donc dans ce hadith cette parole immense de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous indique que celui qui prononce cette attestation, c'est-à-dire qu'il la prononce avec sa langue, tout en ayant dans son cœur une foi ferme et la certitude de la véracité de cette parole et de tout ce qu'elle implique. C'est cela qui est visé par l'attestation. Ce n'est pas simplement de prononcer ces mots avec sa langue sans en comprendre le sens, sans y croire et sans les mettre en pratique, non. Celui qui atteste, c'est-à-dire celui qui prononce cela avec sa langue, qui y croit fermement dans son cœur et qui met en pratique avec son corps ce que cette attestation implique. Et s'il fait cela, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala le fera entrer au paradis. Et les cinq choses qui sont mentionnées dans ce hadith, c'est tout d'abord l'attestation que la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. C'est-à-dire que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah. Il n'y a pas de vrai Dieu, il n'y a aucun Dieu méritant l'adoration sauf Allah. Seul, sans aucun associé. Donc celui qui prononce cette attestation, il doit avoir foi en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, être véridique en cela, avoir la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul en droit d'être adoré, et il se doit en parallèle de désavouer et s'écarter de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est cela le sens de cette parole. Nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah. Donc, je ne dois pas adorer autre qu'Allah, quel que soit cet autre et quelle que soit l'adoration qui pourrait lui être vouée. l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on se doit de croire en cela avec certitude, vouer le culte exclusivement à Allah, renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et mettre en pratique tout ce qu'implique cette attestation, en se conformant aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, en s'écartant de ses interdits, aussi bien en ce qui concerne les paroles et les actes. Et la parole « wahdahu la sharika lah », seul sans associé, c'est une confirmation du sens de « la ilaha illallah ». « La ilaha illallah », cette parole, elle comprend une négation et une affirmation. La négation, c'est « la ilaha ». Il n'y a pas de Dieu, c'est-à-dire il n'y a pas de vrai Dieu. Et l'affirmation, c'est « illallah », sauf Allah. Le seul vrai Dieu, le seul Dieu en droit d'être adoré est Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu dis « wahdahu la sharika lah », en disant « wahdahu », tu confirmes l'affirmation que seul Allah est en droit d'être adoré. « La sharika lah », tu confirmes la négation, c'est-à-dire que tu renies tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est donc la première chose dont tu attestes pour faire partie de ceux qui obtiendront la récompense mentionnée dans ce hadith. La deuxième chose, c'est l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que tu crois en cela avec certitude, sans aucun doute à ce sujet. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est le messager d'Allah. Allah l'a envoyé en tant que messager vers les deux pesants, les djinns et les hommes. Et il l'a envoyé avec un message et une législation complète. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes et des messagers. Il n'y a pas de prophète après lui. Et par son envoi, Allah subhanahu wa ta'ala a abrogé l'ensemble des religions précédentes. C'est en tout cela que tu dois croire, et c'est cela que tu dois affirmer, et c'est de cela dont tu dois avoir la conviction certaine lorsque tu dis « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». J'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Et on a vu, dans le cours précédent, que cela exige de toi quatre choses. Que tu crois en tout ce dont il a informé, que tu obéisses à ses ordres, que tu délaisses ses interdits, et que tu n'adores Allah que de la manière dont il l'a légiféré. Il est le messager d'Allah, donc il ne parle pas sous l'effet de la passion. Mais ce n'est qu'une révélation qui lui vient de la part d'Allah. Donc tu crois en ces informations, qu'elles concernent le passé, le futur ou Al-Ghaib, le domaine de l'invisible. Il est le messager d'Allah, donc tu lui dois obéissance. Et lui obéir fait partie de l'obéissance à Allah. Donc tu te soumets à ses ordres et tu délaisses ses interdits. Il est le messager d'Allah, donc c'est lui qui est venu pour nous enseigner et nous montrer comment adorer Allah. Et quelle est la voie nous menant à Allah. Donc tu n'adores Allah que de la manière dont l'a légiféré le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et non pas par des choses nouvelles qui n'ont pas été enseignées par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, la troisième chose dont tu attestes est que Isa, alayhi salam, est le serviteur d'Allah et son messager. Et il y a dans cette phrase la réfutation de deux groupes opposés qui n'ont pas donné à Isa, alayhi salam, sa juste valeur. Ou bien ils ont exagéré à son sujet, ou bien inversement, ils l'ont méprisé, rabaissé et dédaigné. Et ces deux groupes ne sont autres que les gens du livre. Al-Yahoud wa al-Nasara, les juifs et les chrétiens. Les juifs ont prétendu que Isa alayhi salam est un enfant issu de la fornication. Wal-Iyadu billah. Tandis que les chrétiens ont dit que c'était lui Allah, ou bien qu'il était le fils d'Allah, ou le troisième des trois. Et lorsque tu attestes que Isa alayhi salam est le serviteur d'Allah et son messager, tu réfutes ces deux groupes extrêmes et opposés qui se sont trompés à son sujet. Isa alayhi salam est un serviteur d'Allah. Ce n'est pas lui Allah, ce n'est pas le fils d'Allah. Et Isa alayhi salam est le messager d'Allah. Il a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi pour transmettre son message aux enfants d'Israël. Et tu attestes également qu'il est la parole d'Allah qu'il a envoyé à Maryam. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Isa alayhi salam en disant « kun » soit. Puis Isa alayhi salam fut après cela. C'est pour cela qu'il a été appelé la parole d'Allah, Kalimatullah, en raison de son existence par la parole Kun, soi. Et c'est une âme venant de lui, c'est-à-dire une âme parmi les âmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, « Inna mathala Isa indallah ka mathali Adam » L'exemple de Isa auprès d'Allah est semblable à celui de Adam. « Khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun » Il l'a créé de terre, puis il lui a dit « Sois » et il fut. Et c'est cela le sens de cette attestation. La quatrième chose est que tu attestes que le paradis est vérité. C'est-à-dire que tu crois en son existence et en sa réalité et que tu n'aies aucun doute à ce sujet. Et que tu crois que le paradis est la demeure qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparée pour les vertueux parmi ses serviteurs, ceux qui lui obéissent, ceux qui lui voue un culte exclusif, ceux qui suivent la voie de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est la demeure finale et éternelle pour les croyants qui ont suivi les messagers envoyés par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la cinquième chose dont tu attestes est que l'enfer est vérité. Tu crois en son existence et en sa réalité. Tu ne doutes pas à ce sujet. Et tu crois avec certitude que l'enfer et la demeure qu'Allah subhanahu wa ta'ala a désignée pour les mécréants et les hypocrites. Il l'a préparée pour tous ceux qui l'ont renié, ont mécru en lui, lui ont donné des associés et n'ont pas suivi ses messagers. Alayhim salatu wassalam. Donc celui qui atteste de ces cinq choses et qui est véridique en cela, qui prononce ses paroles avec sa langue tout en y croyant dans son cœur, et qui met en pratique tout ce que ces cinq attestations impliquent. Allah subhanahu wa ta'ala le fera entrer au paradis, quelles que soient ses œuvres. C'est-à-dire même s'il a des manquements, même s'il commettait des péchés, il entrera au paradis en raison de sa sincérité et du culte exclusif qu'il vouait à Allah subhanahu wa ta'ala en l'adorant seul, en dehors de tout autre que lui. Donc on tire de ce hadith différents bénéfices et le shaykh, qu'Allah le préserve, en a mentionné ici cinq. Le premier est que ce hadith nous démontre le mérite du tawhid, le mérite du culte exclusif voué à Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce tawhid est une cause d'expiation des péchés. Plus le serviteur est véridique, sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, voue son culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus il s'élève en degré et plus ses péchés sont pardonnés et expiés. Et dans un autre hadith, il est rapporté que Jibril alayhi salam a un jour dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, annonce la bonne nouvelle à ta communauté que celui qui meurt sans ne donner aucun associé à Allah, entrera au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, « Ô Jibril, même s'il volait et commettait la fornication, » Jibril alayhi salam de lui répondre oui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répéter, « Même s'il volait et commettait la fornication, » Alors Jibril alayhi salam de lui répondre oui, et même s'il buvait de l'alcool, même s'il buvait du vin. Donc cela nous démontre l'importance du tawhid, l'importance de vouer le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Car ceci est la base et le fondement de la religion. Et lorsqu'on dit cela, cela ne signifie pas que les péchés sont insignifiants ou sans gravité, non. Celui qui commet des péchés, il se met en danger. Il est sous la menace du châtiment. Et ceci ne doit en aucun cas être pris à la légère. Mais ce qui est voulu est de comprendre que le tawhid est la chose la plus importante sur laquelle le musulman doit se concentrer. Et certes, celui qui concrétise le tawhid veille à vouer le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceci sera une cause pour l'éloigner des péchés, bi'inillahi ta'ala. Le deuxième bénéfice que l'on tire de ce hadith est l'immensité de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa miséricorde envers ses serviteurs. Il se peut qu'une personne n'ait pas accompli beaucoup d'œuvres. Il se peut qu'une personne ait eu des manquements. Il se peut qu'une personne soit faible, mais qu'elle reste ferme sur le tawhid. et qu'elle voue le culte exclusivement à Allah et renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses manquements, lui efface ses péchés et l'élève en degré et le fait entrer au paradis. Le troisième bénéfice que l'on tire de ce hadith, il est tiré de la parole dans l'attestation que Muhammad est le serviteur et le messager d'Allah. Et il en est de même pour Isa alayhi salam. Et le bénéfice que l'on tire de cela est de connaître le rang des prophètes alayhi salatu wa salam et ce qu'ils ont comme droit. Et plus particulièrement, le meilleur d'entre eux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sans exagération et sans négligence. Nous n'exagérons pas au sujet de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est le serviteur d'Allah. Il n'a aucun droit à l'adoration. Car l'adoration est un droit exclusif d'Allah. Et de la même manière, nous ne le méprisons pas et le considérons à sa juste valeur car il est le messager d'Allah. Il a transmis le message de la part d'Allah. Donc on lui doit respect, obéissance et suivi. Et telle est la voie empruntée par les gens de la sunnah qui donnent au prophète sallallahu alayhi wa sallam sa juste place sans exagérer à son sujet et sans le négliger. Le quatrième bénéfice que l'on tire de ce hadith est que ceux qui commettent des péchés parmi les monothéistes, parmi ceux qui vouent le culte exclusivement à Allah, alors ils ne demeureront pas éternellement en enfer. Il se peut qu'une personne ait commis des grands péchés, des péchés pour lesquels elle se trouve sous la menace du feu de l'enfer. Et si elle meurt sans s'être repentie de ses grands péchés, alors elle sera sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il la châtiera à hauteur de ses péchés, et si Allah veut, il la pardonnera. Mais à partir du moment où la personne est morte sur le tawhid, sans ne donner aucun associé à Allah, alors le paradis sera sa demeure finale, inshallah ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. En deçà de cela, il pardonne à qui il veut. Il pardonne à qui il veut, quels que soient les péchés qu'ait commis le monothéiste. Il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il le pardonnera. Et si Allah veut, de par son équité et sa justice, il le châtiera à hauteur de son péché, puis le fera entrer au paradis en raison de sa pratique du tawhid et du culte exclusif qu'il vouait à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une réfutation des Khawarij, la secte des Khawarij, qui taxe les musulmans de mécréance s'ils commettent un grand péché. Donc pour eux, le musulman ne peut pas faire de grand péché. Et ils considèrent que celui qui commet un grand péché, alors, il est sorti de l'islam par cela. Riyadu billah. Et par conséquent, il sera éternellement en enfer. Et c'est pour cela que ils en sont venus à taxer de mécréance les musulmans, à taxer de mécréance les dirigeants des musulmans, à taxer de mécréance les sociétés musulmanes, puis à faire couler le sang des musulmans. C'est ça la base de leur égarement. Wallahu al-musta'an. Et il ne faut pas penser que cette croyance n'existe que chez les gens extrêmes, parmi les partisans des différents groupes déviants dont on a entendu parler ces dernières années. Mais cette croyance, elle est également présente chez nombre de personnes parmi le commun des musulmans. Qui parmi nous n'a pas déjà entendu une personne parmi le commun des gens dire « Celui-ci n'est pas musulman, je l'ai vu voler. Celui-ci n'est pas musulman, je l'ai vu boire de l'alcool. Celui-ci n'est pas musulman, je l'ai vu commettre tel ou tel péché. » Et ceci relève du takfir et de la croyance des khawarij. Et c'est une grave erreur qui s'oppose à la croyance authentique. Et vous voyez à travers cela l'importance pour le croyant d'apprendre la croyance authentique, la croyance des gens de la sunnah, afin de se préserver de ce genre d'idéologie erronée qui le mène à s'opposer à ce qui est venu dans les textes du Coran et de la sunnah et à s'opposer à la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, le cinquième bénéfice que l'on tire de ce hadith est l'obligation de la foi au paradis et à l'enfer. Il est obligatoire pour le croyant d'avoir foi au paradis et à l'enfer, et que le paradis et l'enfer existent, qu'ils sont réels, que le paradis est la demeure qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparée pour les vertueux, ceux qui lui vouent un culte exclusif, ceux qui ont suivi ses messagers alayhim as-salatu wassalam. Et l'enfer est la demeure qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparée pour ceux qui l'ont renié ont mécru en lui, lui ont donné des associés. Et c'est la demeure de laquelle il a menacé ceux qui lui désobéissent et commettent des péchés. Et le fait d'avoir foi au paradis et à l'enfer, de penser au paradis et à l'enfer, ceci va te pousser à veiller à tes paroles et tes actes, à te rappeler que tu auras des comptes à rendre, que tu ne seras pas éternellement dans ce bas monde, que chaque parole que tu prononces et chaque acte que tu fais, tu seras rétribué en fonction de cela, en bien ou en mal. Donc rappelle-toi de cela et pose-toi la question de savoir parmi qui tu souhaites être ressuscité. Veux-tu être avec les habitants du paradis ou avec les habitants de la fournaise ou l'ayadu billah? Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder son paradis et de nous préserver du feu de l'enfer. On a donc terminé en ce qui concerne ce hadith. Walhamdulillahi rabbil alamin.